chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable au-dessus de tous les dieux. Parmi les nations, dites parmi les nations, l'Éternel règne, le monde est affermi, il ne chancelle pas.